ce thème de la fraternité en faisant un petit début par ce grand commencement. Au commencement, Dieu créa le lien. Au commencement, Dieu ne crée pas simplement la terre et les cieux, mais il crée le lien. Dieu crée la relation. Au commencement, Dieu crée le lien entre la terre et les cieux. Au commencement, Dieu crée la relation entre ce qui est différent. Il unit le différent, il unit l'opposé. Il crée l'humain, Adam et Ève, avec le projet de ce lien. Il crée l'humain, homme et femme, pour que l'un soit en relation avec l'autre. Parce qu'il y a là, dans l'expérience du lien, quelque chose qui ressemble à Dieu, une expérience de Dieu. Avec la naissance de Caïn et Abel, nous l'avons vu, il est également question de lien, de la continuité de ce lien, non plus cette fois entre l'homme et la femme, mais entre l'homme et son frère. La fraternité n'est pas autre chose que la répétition sous une autre forme de ce que Dieu, notre Dieu, est un Dieu de relation. Et la grâce de Dieu en Jésus-Christ, c'est notre mise en relation avec le Père pour que nous découvrions à notre tour par ce lien paternel notre relation de frère et sœur. Et ce qui est pour moi, vous savez, un sujet d'émerveillement, c'est de constater à quel point la Bible est cohérente. À quel point cette parole de Dieu, cette parole écrite, est cohérente dans tout ce qu'elle dit. Et toute première page de la Bible, de ce livre, du livre de la Genèse, pardon, nous relate, nous l'avons vu, l'histoire d'un fratricide, de la coupure ou du refus du lien fraternel et de la relation à l'autre. La Genèse se termine avec une très longue histoire, une histoire de fraternité. C'est l'histoire de Joseph avec ses frères. Alors personnellement, cette cohérence m'interpelle et je vois dans cette insistance du texte biblique un rappel du projet de Dieu et un appel à vivre la fraternité. L'histoire de Joseph et de ses frères couvre une large section du livre de la Genèse. Elle va du chapitre 37 au chapitre 50 et elle s'étend à peu près sur une période de plus de 80 ans. Alors normalement, il aurait fallu lire les 13 chapitres de cette histoire. On ne peut pas, honnêtement, on ne peut pas. Mais ce que je vous propose, c'est de lire deux textes qui arrive plutôt à la fin de cette histoire. Le premier texte, c'est le texte de Genèse chapitre 45, des versets 1 à 15. Le chapitre 45, c'est le moment où Joseph révèle son identité. Et le deuxième passage que je vous propose, c'est tout à la fin, au chapitre 50. C'est lorsque, une dernière fois, dans une dernière tentative, les frères de Joseph veulent s'assurer de son pardon en prétextant un pseudo-testament de Jacob, leur père. Mais c'est là, dans ce chapitre 35, dans ce chapitre 50, pardon, c'est là aussi où Joseph relie son histoire à la lumière d'un renversement que nous verrons. Dieu peut changer le mal en bien. Alors on va lire ces deux textes, ils sont assez courts. On ne peut pas lire les 13 chapitres, je vous l'ai déjà dit, donc Genèse 45, verset 1 au verset 15. Alors Joseph, incapable de contenir son émotion devant les gens de son entourage, leur ordonna à tous de sortir. Ainsi était-il seul avec ses frères quand il se fit connaître à eux. Mais il pleurait si fort que les Égyptiens l'entendirent et que la nouvelle en parvint au palais du Pharaon. Joseph dit à ses frères, « C'est moi, Joseph, mon père est-il encore vivant, est-il encore en vie ?» Mais ses frères étaient tellement effrayés qu'ils furent incapables de lui répondre. « Approchez-vous de moi, leur dit-il. » Ils s'approchèrent. Joseph reprit, « C'est moi, Joseph, votre frère que vous avez vendu en Égypte. Ne vous tourmentez pas et ne vous faites pas de reproches pour m'avoir vendu. Ainsi, c'est Dieu qui m'a envoyé ici avant vous pour que je vous sauve la vie. » Pardon, il y a déjà eu 2 années de famine dans le pays, mais pendant 5 années encore, on ne pourra ni labourer sur la terre, ni récolter les moissons. Dieu m'a envoyé dans ce pays avant vous, pour que vous y ayez des descendants et que vous y surviviez. C'est une grande délivrance. En fait, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. Et c'est encore lui qui a fait de moi le conseiller le plus puissant du Pharaon, le maître du palais royal et le gouverneur de toute l'Égypte. Maintenant, dépêchez-vous d'aller dire à mon père, voici le message que t'adresse ton fils Joseph. Dieu a fait de moi le maître de toute l'Égypte. Viens chez moi sans tarder. Tu t'installeras dans la région de Goshen avec tes enfants, tes petits-enfants, ton bétail, moutons, chèvres et bœufs, et tout tes biens. Et tu seras ainsi tout près de moi. Ici, je te fournirai des vivres pour toi, ta famille et tes troupeaux, afin que vous ne manquiez de rien, car il y aura encore 5 années de famine. Et Joseph ajouta, voyez bien, et toi en particulier, Benjamin, que c'est moi qui vous parle. Allez dire à mon père quelle importante situation j'occupe en Égypte et racontez-lui tout ce que vous avez vu. Ensuite, dépêchez-vous de l'amener ici. Joseph se jeta au cou de Benjamin et tous deux s'embrassèrent en pleurant. Joseph pleurait aussi en embrassant ses autres frères. Alors seulement, ils osèrent lui parler. Second texte, dans Genèse 50, des versets 15 à 21. Les frères de Joseph se dirent maintenant que notre père est mort, Joseph pourrait bien se tourner contre nous et nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. Ils firent donc parvenir à Joseph ce message. Avant de mourir, ton père a exprimé cette dernière volonté. Dites de ma part à Joseph, par pitié, pardonne à tes frères la terrible faute qu'ils ont commise, tout le mal qu'ils t'ont fait. Eh bien, veuille nous pardonner cette faute à nous qui adorons le même Dieu que ton père. Joseph se mit à pleurer lorsqu'on lui rapporta ce message. Puis, ses frères vinrent eux-mêmes le trouver, se jetèrent à ses pieds et lui dirent « Nous sommes tes esclaves ». Mais Joseph leur répondit « N'ayez pas peur, puis-je me mettre à la place de Dieu ? Vous projetiez de me faire du mal, mais Dieu a voulu qu'il en résulte du bien, en vue de sauver la vie d'un peuple nombreux, comme vous le voyez aujourd'hui. » N'ayez donc aucune crainte, je prendrai soin de vous, de vos familles. Par ces paroles affectueuses, il parla à leur cœur et il les réconforta. Elle est belle cette histoire, hein ? On n'a pas pu la lire entièrement, mais je vous invite à le faire cette semaine, si vous le pouvez. C'est une magnifique histoire. Mais en regardant cette histoire de plus près, je me suis dit que finalement, la route est longue, frères et sœurs. La route est très très longue pour entrer dans la fraternité. Combien de temps nous faudra-t-il pour la vivre ? Pour Joseph et ses frères, il aura fallu 20 ans, plus de 20 ans. Il aura fallu une vingtaine d'années pour amorcer un nouveau commencement, entamer une nouvelle relation fraternelle. Et ce matin, si nous voulons rester près du texte, il nous faut admettre que le sujet principal de cette histoire, de toute cette histoire, nous l'avons lu, est le triomphe du bien sur le mal. Et que le message d'espérance que cette histoire nous transmet, c'est que nous pouvons, frères et sœurs, nous pouvons devenir frères et sœurs l'un de l'autre, nous pouvons entrer en fraternité en dépit de ce mal et tenir par la même occasion le mal en échec. Alors, dans l'histoire de Joseph, tout commence mal. Tout commence, je dirais, par le mal que l'on subit et le mal aussi que l'on inflige aux autres. Est-ce qu'il est normal, frères et sœurs, est-ce qu'il est normal que, dans une famille, on préfère un enfant plutôt qu'un autre ? Est-ce qu'il est normal que, dans l'aveuglement d'un amour égoïste, on lui confectionne un vêtement pour le mettre à l'honneur sans se soucier des dégâts que l'on peut causer, des blessures que l'on inflige au reste de la fratrie. C'est une question que je me pose. Et il ne faut pas s'étonner, il ne faut pas s'étonner non plus que la maladresse avec laquelle Joseph fait part de ses rêves n'ait pas trouvé un écho favorable chez ses frères, même si dans ses rêves, évidemment, il y a une part de vérité. Mais le mal, nous le savons, le mal se cache aussi dans le bien que nous disons ou que nous pensons faire. Et sans en excuser les conséquences, comment ne pas entendre la haine de celui qui est lésé, moins aimé, dévalorisé ou dénigré à longueur de temps? Et nous, frères et sœurs, dans nos communautés, est-ce que nous aussi, nous n'habillons pas le frère ou la sœur de la tunique de notre préférence? Sommes-nous conscients qu'en agissant ainsi, nous l'exposons à l'envie et à la jalousie en faisant naître le mal? Est-ce que nous avons le même intérêt pour celui ou celle qui est le plus en vue au détriment du plus modeste? Avons-nous, frères et sœurs, les uns pour les autres, un amour égal, ou faisons-nous des préférences dans la famille de Dieu? Sommes-nous conscients des blessures que ces préférences affichées laissent dans le cœur de ceux que Dieu a placés à côté de nous? Nous ne sommes pas non plus conscients que le partage de nos visions ou de nos rêves puisse, à ce point, briser les rêves de ceux qui n'en ont plus. Le mal est ainsi fait, frères et sœurs, qu'il se cache dans nos intentions les plus louables. Alors, j'ai pensé en préparant cette prédication, si on devait monter un orchestre dans l'église. Il y aurait des violons, il y aurait du pipeau, certainement, des instruments de toutes sortes, mais je pense qu'il y aurait une majorité de percussions. Oui, parce que je pense que nous avons tous des casseroles. Et donc, ça serait un concert de casseroles. Des casseroles familiales, des casseroles personnelles, des casseroles professionnelles, spirituelles, des casseroles d'une mauvaise expérience en église, des faux frères, des fausses sœurs, ça sonne moins bien, mais des faux frères qui nous ont blessés. Nous sommes tous, frères et sœurs, victimes du mal sous une forme ou sous une autre. Alors, est-ce que c'est une raison pour tout abandonner? Est-ce que c'est une raison pour renoncer à la fraternité? L'histoire de Joseph et de ses frères nous montre que la route est longue, 13 chapitres, 80 ans vers la fraternité. C'est un chemin que chacun doit faire. Alors Judas, dans la fratrie, lui, Judas, choisit de s'éloigner pour un temps de ses frères. On voit ça au chapitre 38. Et de cet éloignement naîtra Pérets. Dieu fait une brèche, un trou dans sa vie pour lui montrer qu'il a besoin de ses frères. Joseph, lui, depuis le fond de sa citerne jusqu'au jour où il deviendra le vice-roi d'Égypte, Joseph connaît des hauts et connaît des bas, comme autant de morts et de résurrections, comme un tracé vers le chemin de la rédemption. Le psaume 105 nous dit qu'il fut enchaîné, qu'il fut mis au fer, ou plus exactement, et j'aime cette traduction, le fer rentra dans son âme. Le fer rentra dans son âme. Et peut-être même que son âme blessée s'est mise à saigner. Son âme fut blessée d'avoir été, bien malgré lui, la cause de tant de mal, de tant de haine, la cause de ce mal familial. Son âme fut blessée d'avoir été mal jugée par ses frères. Et Joseph voit sa vie prise en tenaille entre l'amour démesuré de son père, Jacob, et la haine de ses frères. Pourtant, dès le début, au chapitre 37, Joseph cherche ses frères. Joseph cherchera à être reconnu comme un frère. Il les appellera au secours dans la boue de la citerne. Il les cherchera au fond de sa prison, oublié de tous, mais pas oublié de Dieu. À plusieurs reprises, il nous a dit ce verset, l'Éternel était avec lui. l'Éternel était avec lui. Dieu, ce Dieu si absent tout au long de l'histoire, était toujours présent. Il a toujours été là, il a toujours été là, il sera toujours là, présent dans le mal que l'on nous fait, mais aussi dans le mal que l'on commet sans même nous en rendre compte. C'est Dieu, en définitive, qui va orchestrer le concert de casseroles. C'est lui qui crée toutes les conditions pour réparer cette fraternité. Dieu est aux commandes de nos vies, même dans l'exemple de Judas, même dans nos éloignements, comme dans l'épisode de Judas et de Tamar, parce que dans cet éloignement, Dieu peut faire naître une brèche et se frayer un chemin pour la fraternité. Dieu est là dans toute l'histoire de Joseph, dans sa citerne, nous l'avons dit, dans sa prison. Dieu est avec ce Joseph qui refuse de coucher avec la femme de Potiphar pour ne pas prendre la place du maître, pour ne pas prendre la place de Dieu et à son tour devenir le maître de tout. Dieu est là, même dans la dureté des propos de Joseph envers ses frères, pour qu'ils se rendent compte qu'ils ont été, à leur tour, les agents de ce mal et les amener vers un chemin de conversion. C'est Dieu qui préside aux retrouvailles de Joseph avec ses frères en nouant le lien de la fraternité. Alors, il ne s'agit pas ici d'un lien perdu, parce qu'au début, il n'y avait rien. Il ne s'agit pas de se rabibocher après une dispute, mais il s'agit de la création d'un lien inexistant, d'un lien qui n'a pas pu se créer à cause du mal. Joseph reconnaît ses frères. Il les reconnaît à la première intonation de voix, au premier regard, il les reconnaît. Mais il les a tellement cherchés, il les a tellement attendus. Et c'est Joseph qui pleure le plus dans cette histoire, parce que c'est sans doute lui qui a cheminé le plus. C'est en Joseph que s'est fait, à mon avis, le plus gros du travail. Mais si Joseph les a reconnus, s'il a reconnu ses frères, est-ce que ses frères le reconnaîtront? Est-ce que ses frères le reconnaîtront et l'accueilleront pour qui il est, à savoir un frère, leur frère? Alors, courage Joseph, il faut encore franchir une dernière étape, un dernier obstacle, et leur dire enfin qui il est pour eux, et les rattacher comme ça à ce lien si fragile de la fraternité. Nous l'avons lu au chapitre 50, c'est moi, Joseph, votre frère, que vous avez vendu en Égypte. C'est dur, hein? C'est dur à entendre. Hein? Ici, Joseph ne prend pas son nom égyptien que j'ai oublié, mais il se présente à eux, non pas comme un étranger, mais il se présente dans la signification du nom qu'on lui a donné. Joseph, ça veut dire Dieu ajoute. Dieu ajoute. Je suis votre sœur, et ça marche aussi avec les sœurs, vous pouvez dire je suis votre sœur. Dans ma bouche ça fait bizarre, mais dans la bouche des sœurs ça fait mieux. Je suis votre frère Joseph. Je ne suis pas en compétition avec vous, je ne l'ai jamais été, je ne suis pas responsable de l'amour déraisonnable que Jacob a eu pour moi, je ne suis pas responsable de ce mal. Je suis Joseph, votre frère, je suis celui que Dieu ajoute à la fratrie pour la compléter, pour l'enrichir, mais pas pour le mal, pas pour la détruire ou la désunir, mais pour le bien. Je suis Joseph, votre frère, recevez-moi, accueillez-moi, faites de moi votre frère, en dépit du mal, même si vous m'avez vendu, même si vous avez tenté de tout casser, de dénouer ce lien invisible qui nous unit, parce que, frères et sœurs, pour qu'une fratrie devienne une fraternité, pour qu'il y ait réconciliation, pour qu'il y ait retrouvailles ou trouvailles, pour qu'il y ait pardon et guérison, il est nécessaire que le mal soit nommé. Et Joseph nomme le mal. Vous m'avez vendu en Égypte. Voilà le mal qui a été fait. Le mal est fait, et souvent on dit, voilà, maintenant le mal est fait, et on le dit dans nos expressions. Oui, mais le mal, ici, est dénoncé. Et c'est en nommant le mal qui a été fait, le mal originel, c'est-à-dire le péché, que là, dans ce mal, Dieu peut faire naître une nouvelle espérance, une nouvelle fraternité. Que dit Joseph à la fin de l'histoire? Quelle lecture fait Joseph des événements de sa vie? Joseph, nous l'avons lu, prononce des paroles affectueuses. Il parle au cœur de ses frères. Lui qui a été trahi, maltraité, il parle au cœur de ses frères. Il les réconforte en mettant Dieu au centre de cette histoire, au centre de sa vie, preuve s'il en est que ses rancunes ont disparu et qu'une œuvre s'est faite dans les cœurs de tous. En définitive, en mettant Dieu au centre, c'est Jésus-Christ que Joseph remet au centre de tout. Le Christ est ce plus grand de Joseph. Il est plus grand que Joseph. C'est lui qui, le premier, est venu chercher ses frères. Il est venu nous chercher. Distingué entre tous, il a été vendu, maltraité. Il a connu les tourments et l'angoisse de la fosse à Gethsémané. C'est en lui, dans son âme, dans son corps, que finalement est entré le fer, les clous de la croix. C'est sa mort et sa résurrection, sa victoire sur le mal, qui nous ouvre la voie du salut, du pardon et de la réconciliation et de la fraternité. La fraternité à laquelle le Christ nous appelle, nous l'avons vu, est un long chemin, un très long chemin. Chacun de nous est invité à faire un bout de route vers l'autre, en laissant Dieu, sans doute, créer des brèches en lui, en chacun de nous, pour laisser passer la vie. Alors c'est vrai, nous sommes tous les victimes du mal, de celui qu'on nous a fait ou de celui que nous avons fait subir aux autres. Et c'est la réalité totale et complète de nos vies. Ne nous cachons pas. Ne nous cachons pas derrière ce mal pour nous excuser de ne pas vivre comme des frères. Mais pourquoi? Parce que Dieu est tout puissant pour transformer le mal en bien. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alors j'avais un chant. Astrid. J'avais un chant. Ce chant, c'est « Tu es tout pour moi ». On va le chanter comme une prière. Comme une prière. Est-ce que Jésus est tout pour nous? Est-ce qu'il est tout pour moi pendant l'heure de culte où on est assis bien sagement? Est-ce qu'il est tout pour moi après le culte? Est-ce qu'il est tout pour moi cette semaine? Est-ce qu'il est tout pour moi simplement? Alors, je vous invite à chanter ce chant comme une prière de conclusion pour nous dire que Jésus est tout pour nous.